durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les aracées, cette grande famille de plantes qui comprend pas loin de 3500 espèces, réparties en une centaine de genres dans le monde. Nous sommes au jardin botanique Jean-Marie Pelt, à Villers-les-Nancy, avec la jardinière botaniste, responsable notamment de la collection des aracées. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Geneviève Ferry, bonjour. Bonjour. La famille des aracées, c'est une très grande famille, Geneviève Ferry. Oui, tout à fait. Une grande famille que l'on retrouve sous toutes les latitudes. Aussi bien ici, dans nos forêts lorraines, avec le gouet, ce qu'on appelle l'arôme maculatum, ou bien sous les tropiques, essentiellement sous les tropiques. Toute l'Amérique du Sud, on retrouve cette grande famille. Mais on les retrouve aussi dans toute l'Asie, avec des genres bien spécifiques. Et puis même certains dans les montagnes d'Amérique du Nord. Alors, un exercice radiophonique que je vais vous demander, Geneviève Ferry. Par exemple, quand on parle aux gens des orchidées, on voit bien ce que c'est qu'une orchidée. À quoi reconnaît-on, alors pas dans le détail, mais une aracée, le profil type d'une aracée? Oh, ben écoutez, c'est très facile. C'est une plante qui est composée de deux parties. L'inflorescence, comme une sorte de grand épi que l'on appelle le spadis, qui porte les organes reproducteurs. Ou bien la spathe, qui est une enveloppe colorée, comme chez les anthuriums. Voilà, c'est donc ces deux parties qui forment pour l'essentiel cette famille. Chez nous, en Europe, on a, en tout cas en France, on a une aracée que les promeneurs en forêt connaissent bien. Voilà, c'est ça, tout à fait. Le fameux gouet, le pied de veau que l'on retrouve dans nos forêts, qui en automne produit des fruits rouges toxiques. Voilà, ça, c'est une plante. C'est cette hampe florale, voilà. Avec une espèce de baie groupée. Tout à fait, c'est tout à fait ça, oui. Mais, voilà, ça, cette famille des aracées est surtout connue en horticulture. Toutes les jardineries vendent des anthuriums, vous savez, ces fleurs avec une sorte de bractée rouge cireuse, ou bien les callas, les antédéchias des fleuristes. Et ça n'a pas forcément, on ne les vend pas forcément pour leur parfum. Non, pas forcément. C'est pour leur allure. C'est plutôt pour leur allure, oui. Regardez, si vous avez fait un petit peu attention, vous, madame, cette année, au niveau des... Si vous faites un petit peu les boutiques, il suffit de regarder tous les vêtements qui portaient floraux, avec beaucoup de fleurs, hein, avec ces énormes feuillages de Monstera. Voilà, ça c'est une plante de la famille des aracées. Oh, voilà, bon, peut-être que on en a vu partout cette peut-être année. Peut-être que les dames portent des vêtements et des aracées sans le savoir. Mais oui, tout à fait. Mais même au niveau de la décoration, des intérieurs, des coussins, en ameublement, on retrouve ces aracées cette année vraiment partout. Vous regarderez. 2018, l'année des aracées. Tout à fait. À propos d'aracées, Geneviève Ferry, ça vient de quoi le nom même d'aracées? Ah ben écoutez, si on décortique un petit peu le mot d'anthurium, pour reprendre donc ce genre, hein, anthos, la fleur, urium, urologie, la queue, des fleurs en forme de queue. Quand vous dites la queue, exactement. D'ailleurs, il y a un genre, le genre Amorphophallus, avec son pénis de titan, hein, Amorphophallus titanum, qui donne la plus grosse inflorescence du monde. Voilà. Je vous en montrerai quelques pieds tout à l'heure dans la petite serre, dans la nurserie. Alors, quand vous dites petite serre, c'est une vraie serre. Parce que là, pour l'instant, on est installé dans votre, la partie qui sert plutôt d'atelier, où vous, j'imagine, oui, vous rempotez, vous plantez, vous semez. Tout à fait, tout à fait. Quels sont les pays, Geneviève Ferry, qui possèdent peut-être plus naturellement des aracées? Quels sont, vous disiez tout à l'heure, c'est là une répartition quasi mondiale, on la trouve vraiment partout sur le globe. Oui, tout à fait, oui. Mais essentiellement l'Amérique du Sud, très très riche. Imaginez, rien que le genre Anthurium comporte plus de 1000 espèces différentes. Et surtout, nous en découvrons encore régulièrement. C'est valable pour les plantes, c'est valable pour les animaux. On ne sait pas encore vraiment tout ce qui vit sur la Terre. Oui, tout à fait. Oui. Combien d'espèces d'aracées ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt? Alors ici, nous avons autour de 750-800 accessions, voilà, différentes, oui. Alors j'aimerais que vous nous racontiez la manière dont ça s'est passé, parce que le Jardin botanique Jean-Marie Pelt n'a pas toujours été le jardin qui aujourd'hui s'est fait une véritable renommée. Alors, ce qu'on entend là en arrière-plan, c'est les écrans thermiques automatiques qui se mettent en place ici à la serre, dans les serres du Jardin botanique de Nancy. Il commence à faire froid, donc on protège bien sûr les plantes. Je disais ça, je lui ai fait rire, au moment où je vous posais la question, le Jardin botanique n'a pas été toujours, celui de Nancy en tout cas, la référence aujourd'hui internationale des aracées. Ça a commencé d'une façon assez particulière, racontez-nous. Oui, il faut revenir quelques années en arrière, une quarantaine d'années, vers les années 1978-79. À ce moment-là, il y a eu un très gros arrivage de plantes en provenance du Pérou. C'est un chercheur du Muséum de Paris, Serge Barrier, qui est parti pendant plusieurs mois en mission au Pérou et qui nous a rapporté un gros lot de plantes, dont énormément d'aracées. Alors il faut à vous, à Nancy, plutôt qu'au Muséum d'histoire naturelle de plutôt Paris. Plutôt à Nancy, oui. Voilà, oui, c'était son choix. On accepte le cadeau. Très beau cadeau, très très beau cadeau, et qui finalement fait aussi maintenant, à l'heure actuelle, la renommée de Nancy. Donc vous recevez ces colis, alors c'est quoi? Imaginez des colis, des boîtes comme ça, avec des petits morceaux de plantes, des petites boutures, des petits fragments de plantes, avec un petit numéro, une petite étiquette avec un numéro. Et le rôle du jardinier, justement, il faut s'imaginer, moi je venais aussi d'arriver au Jardin botanique il y a 40 ans, et ces plantes sont arrivées en même temps que moi. Donc il fallait les remettre en culture, les rempoter, s'en occuper, les répertorier, chaque plante a sa fiche. Mais vous comprenez bien que des plantes qui n'ont qu'un numéro, eh ben, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Mais le boulot du jardinier consiste tout de même à s'en occuper. À ce moment-là, Geneviève Ferry, vous êtes jeune jardinière botaniste ici au Jardin botanique, vous recevez ce colis, il faut les déballer, et puis ce n'était pas forcément votre passion au départ, les aracées. Non, pas forcément, parce que je trouvais que c'était des plantes très luxuriantes, qu'il faut installer sur des tuteurs pour les faire pousser. C'est des plantes volumineuses, c'est... Voilà, je ne les aimais pas plus que ça. Mais, à partir du moment... 20 ans après, où le conservateur de l'époque, Romaric Pierrel, décide de faire l'expertise de la collection, là, je me suis dit, ça, voilà, quelque chose, un beau challenge à essayer de relever ce challenge. Voilà. Ça veut dire que pendant 20 ans, ces plantes étaient là dans les serres, poussaient, grandissaient, avaient 20 ans, oui. Et pour certaines en tout cas, et avaient juste un numéro. Oui, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Tout à fait. Comment vous avez fait pour répertorier, alors, pour inventorier, pour finalement résoudre cette crise d'identité oui, des aracées? Oui. Alors, bien sûr, nous avons essayé de les nommer. Mais il faut s'imaginer, à l'époque, nous n'avions pas Internet, comme maintenant. Nous n'avions que les livres pour pouvoir les identifier. Mais on a très vite été confrontés à un problème. Je pense en particulier à Anthurium barrieri. Je vais vous raconter, si vous voulez, cette histoire. Imaginez cette plante, nous n'arrivons pas à la déterminer, malgré les flores et les clés de détermination. Impossible de mettre un nom dessus, et pour cause. C'était une espèce nouvelle pour la science, jamais répertoriée. Alors ça veut dire, Geneviève Féry, qu'elle existait bien avant les scientifiques, bien sûr, mais c'est que les scientifiques ne la connaissaient pas. Exactement, exactement. Alors ce qui s'est passé pour cette plante-là, nous avons fait appel donc à des grands taxonomistes du monde entier. Spécialistes de la classification. Tout à fait, tout à fait. En particulier le docteur Thomas Croatte du Missouri Botanical Garden à Saint-Louis aux États-Unis. Nous avons fait appel à l'allemand Joseph Bogner de Munich et puis Peter Boyce de Kew à Londres. Donc tous ces grands spécialistes ont dit « D'accord, nous, on veut bien vous aider, mais il faut nous donner de la matière, donnez-nous quelque chose à étudier. Lorsque vos plantes fleuriront, mettez les inflorescences dans de l'alcool, faites des photos auparavant. Et surtout, faites des parts d'herbier, faites sécher vos échantillons. » Alors, nous avons fait ce travail. Donc là, vous voyez, ça commençait quand même à avoir un peu plus de piquant, de piment. Ça changeait déjà un petit peu les choses. Et mon plus grand plaisir a été, une fois que les premiers échantillons sont partis au Missouri, un mois après, d'avoir les retours, avoir enfin des noms. Vous allez nous raconter la suite de cette histoire, Geneviève Féry, parce qu'on va aller voir précisément ces aracées dans leur serre. Oui. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Geneviève Féry, quand vous n'aimiez pas trop au départ ces plantes, quand elles sont arrivées, vous n'avez jamais eu envie de les arracer? Oh! Geneviève Ferry, on est toujours avec vous ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt. Vous êtes jardinière botaniste, responsable de la serre des Aracées. Et on vient justement de pousser la porte de cette serre. Alors cette serre-là, elle n'est pas accessible au public. Et pour cause, ici, vous avez votre collection. Évidemment, ce n'est pas mis en scène comme dans la partie publique. Mais cette fois-ci, on voit que tous les pots qui, chacun d'entre eux, ont, bien sûr, abrite des plantes, cette fois-ci, ont un nom. Voilà, oui, justement, je voudrais vous parler de celui-ci, Anthurium barrieri. Justement, il faisait partie de ce lot de plantes en provenance du Pérou, des collectes de Serge Barrier. Et je vais vous raconter l'histoire de cette plante-là. Imaginez, nous avions déjà essayé de la déterminer, mais malheureusement, elle ne rentrait pas dans les clés de détermination. Et pour cause, c'était une nouvelle espèce. Alors, nous avons envoyé donc des échantillons en herbier, une inflorescence en alcool, auprès du grand spécialiste américain. Et il nous a répondu « Oh, cet Anthurium gracile, le plus commun des Anthuriums ». Ça, c'est une vexation, ça. C'était, oui, avec mon collègue David Cherberich du Jardin botanique de Lyon, nous étions vexés et surtout, nous n'étions pas d'accord. Parce que nous avions bien vu que les fruits étaient différents, étaient beaucoup plus gros, plus de couleur orange, les feuilles étaient un petit peu différentes. Alors, le spécialiste a dit, bon, d'accord les jeunes, allez, envoyez-moi une plante vivante. Ok, c'est ce que nous avons fait ici à Nancy. Il a fallu faire les autorisations, les demandes pour avoir les certificats phytosanitaires pour expédier cette plante aux États-Unis. Et manque de bol, la plante, malgré tout son soin, la plante a gelé dans l'avion, dans la soute. Bien. Donc, vous voyez, les années passent encore, toujours pas de plante, toujours pas de nom. Toujours encore juste un numéro. Toujours un numéro. Et vraiment, alors là, vraiment, il se passe quelque chose d'extraordinaire. En 2005, ce fameux Tom Croat, ce grand spécialiste américain, avait un congrès à Vienne, en Autriche. Et il a décidé de s'arrêter à Paris et de rencontrer Serge Barrier. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et surtout, c'était un 14 juillet, je l'ai amené ici dans les serres. Et ces fameux anthuriums étaient en fleurs, en fruits, enfin, étaient vraiment magnifiques. Ils s'étaient donné rendez-vous. Et là, il a dit, là maintenant, je suis d'accord, it's a new species. Et nous l'appellerons Anthurium barrieri, donc dédié à Serge Barrier, le collecteur. Et c'est comme ça que voilà. Alors, ce n'est pas une naissance d'espèce, c'est une naissance, en tout cas, d'identification. Oui, c'est ça. La plante, naturellement, existait dans la nature, mais n'avait jamais été nommée. Voilà, c'est le besoin de l'homme de nommer. En tout cas, c'est une belle histoire, Geneviève Ferry. Alors, ici, on est, c'est une serre avec les bacs à hauteur hein, pour qu'on puisse travailler. Et puis, alors, il y a un alignement de pots et il y a également des pots accrochés sur des barres au-dessus de nous. Oui. Parce qu'il y a certaines espèces d'aracées qui se plaisent peut-être mieux comme ça. Racontez-nous donc celle que l'on voit là-bas, qui a une histoire un peu particulière, parce que vous aussi, vous avez besoin au départ de les élever, mais avec on voit des tuteurs aussi, et peut-être que le jardinier aime bien quand ça pousse droit. On aime bien, voilà, le jardinier aime bien quand ça pousse droit, mais quelquefois, vous voyez, c'est pas le cas. Il faut les laisser un petit peu prendre leur liberté. Et moi, maintenant, je voudrais vous parler de cette petite plante. Allez. Là, vous cherchez. Ah oui, je cherche, oui, parce que je cherche dans mes rayons. Ah, là, voilà, elle se cachait. Voilà, ici, Philodendron Ushanum. Vous voyez, c'est toujours ce fameux Américain, Tom Croat, qui l'a décrite. Alors, je dois quand même préciser, Geneviève Ferry, que à part les plantes que moi, je reconnais, à la différence des feuilles, on va dire qu'il y en a, les feuilles sont un peu différentes, mais on est quand même dans du vert absolu. Il y a beaucoup de vert. Il n'y a que du vert. C'est vrai. Avec quand même des plantes qui se ressemblent beaucoup comme ça pour un néophyte comme moi. Mais pour une jardinière spécialiste comme vous, celle-ci, regardez avec ses pétioles très poilus, c'est quand même très différent de ceci, ou ses feuilles découpées, vous voyez. Voilà, c'est très différent. Alors on revient. Ah, je voudrais parler de philodendron Ushanum, qui est dédié à une botaniste du Suriname, une grande botaniste, qui a été sauvagement tuée à coups de machette. Et il faut s'imaginer, nous étions en Guyane française avec Tom Croate, et il recherchait cette plante, qui avait été nommée déjà quelques années plus tôt, mais il voulait la voir dans la forêt. Alors nous avons marché sous la pluie, grimpé pendant plusieurs heures sur des pistes, et impossible de trouver cette plante. Arrivé au sommet de la montagne à Inselberg, la Virginie, sur un arbre, qu'est-ce que nous avons vu ? Ce beau philodendron qui poussait. C'était philodendron Ushanum. Et je peux vous dire, encore à l'heure-ci, j'ai encore beaucoup d'émotions pour cette femme que je ne connais pas. Mais j'ai voulu rapporter quelques boutures ici, à Nancy. Et voyez, elle est toujours, finalement, elle est toujours avec nous. Parce que moi, voyez, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir qui se cache derrière le nom de l'étiquette. On sent votre émotion, Geneviève Ferry. C'est vrai que les plantes ont toujours un nom de genre et un nom d'espèce. Voilà, c'est mais ça. Mais l'espèce, là en l'occurrence, Ushanum. Usha, c'était une indienne. Usha, oh, elle avait un nom très, très long, très compliqué. Donc voilà, c'est devenu Ushanum. Donc cette plante-là lui est dédiée. Et vous savez comment on donne aussi le nom aux plantes par rapport... Donc c'est pour rendre hommage à une personne, c'est le cas ici. Je vous montrerai d'autres espèces dédiées à des hommes ou des femmes. Je vous en montrerai là tout à l'heure. Mais on donne aussi le nom aux plantes par rapport à un lieu géographique. Par exemple, si on s'avance un petit peu, là au bout de la serre... Alors, avant d'y aller, expliquez-moi... l'histoire de celui-là, au-dessus de moi, qui maintenant est accroché dans un pot, accroché à une tige ici dans cette serre au Jardin botanique de Nancy, mais que vous avez tenté pendant des années. Ben oui, parce que le jardinier, on veut toujours que tout soit bien droit, bien, et ça, c'est pas vrai. On devrait, tous les jardiniers devraient aller voir comment poussent les plantes dans la nature. Ben oui. Et moi, j'ai vu cette plante, j'ai vu comment elle poussait. Donc maintenant, vous voyez, j'ai changé complètement ma façon de faire et je la laisse retomber. Pourquoi vouloir la faire dresser alors qu'elle a un pot retombant, vous voyez ? Du coup, on en apprend là aussi. Voilà, oui, oui, oui. Sur les plantes, on vous suit, Geneviève. Oh oui, je voudrais, oui, parce que je disais que donc nous donnons un nom aux plantes par rapport à un endroit géographique. Alors, ça peut être le nom d'un pays. On a Anthurium guatemalense. Ça peut être par rapport à une province. C'est Anthurium aussi plus facile après pour les Loretense, la province du Loreto au Pérou, voyez, donc Loretense. Tout est en latin, c'est le langage scientifique universel. Par rapport au nom d'un ruisseau, ici la rivière Picambia, voyez, ici cette petite plante Xanthosoma picambiense qui provient d'Équateur et qui a été découverte en 2012. Voilà, ici, c'est pour ça. Que quand on dit découvert, encore une fois, c'est le botaniste, bien sûr, qui l'a découvert. Elle était là avant. Elle était là avant, mais elle n'avait pas de nom. Voilà, nommé par alors les là, hommes, on reconnaît, Geneviève Ferry, cette fameuse inflorescence qui rappelle celle de l'arôme aussi. Eh bien voilà, ben, tout à fait, vous voyez, donc c'est deux parties bien distinctes. Spécialiste des aracées. Voilà, au-dessus de vous, là, cet anthurium, vous voyez bien, donc anthos, la fleur, urium. Alors, cette espèce-là, plutôt, que l'on trouve ici, au Jardin botanique, qui ressemble fort à celle que l'on peut acheter dans un magasin. Voilà, tout à fait, alors actuellement... C'est la même espèce ? Non, espèce, alors oui. Maintenant, il y a énormément de cultivars. Voilà, des cultivars horticoles, des déclinaisons. Oui. Alors, on connaît aussi, vous disiez tout à l'heure, pour le nom même de l'aracée, est-ce que vous avez, Geneviève Ferry, ici au Jardin botanique de Nancy, cette fameuse aracée Titanum, ce géant Oh, mais oui, mais oui. Ah, mais oui, mais moi, j'ai encore des petits. des petites plantes qui sont ici bien à l'abri dans leur petit coffre bien chaud. Il y a une dizaine de pieds, voyez, qui sont en train de pousser ici bien au chaud. Alors là, il faut dire que c'est presque voilà. Un aquarium, mais c'est pas avec de l'eau, c'est avec de la terre. Et voilà. C'est presque un terrarium du coup. Avec, oui, c'est ça. Oui, c'est comme un terrarium. Et là, vous les avez vraiment isolés pour qu'ils aient vraiment bien chaud. Voilà. Alors dans quelques années, j'espère bien qu'ils fleuriront ici à Nancy. Combien de temps pour fleurir? 5-10 ans. Tout dépendra de la grosseur du tubercule. Et là, elles ont déjà atteint 20-30 cm. Oh oui, elles facilement, oui. Là, elles ont 6-9 mois. Oui. Vous les voyez pratiquement grandir tous les jours. Ah oui. Oui, celle-ci, vous voyez, me pose problème parce que dans la semaine prochaine, je pense qu'elle ne pourra plus rester ici dans son coffre. Il faudra la sortir. Voilà. Et alors, quand Titanum fleurit, ça attire des milliers de gens. Oui, parce que ça se produit que très rarement. Oui, tout à fait. Oui. Alors, il y a eu de très belles floraisons en France, au Jardin botanique de Brest et aussi à Nantes, au Jardin botanique de Nantes. Voilà. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Geneviève Ferry, responsable de la serre des Aracées au Jardin botanique de Nancy, on vous suit, on vient de quitter ce qu'on va appeler un peu la nurserie, hein, et en tout cas l'endroit où elles sont répertoriées. Là, on est cette fois dans la serre, une des serres bien sûr ouverte au public, où toutes les plantes sont mises en valeur et présentées au public, et on est ici devant un très grand bassin pour des plantes aquatiques, mais aussi des Aracées. Oui, tout à fait. Regardez en face de vous, vous avez ce magnifique caladium avec ses grandes feuilles tachetées de blanc clair. Il fait un peu, on dirait qu'il porte un vêtement de, vous savez, de militaire, de camouflage. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tout en vert et vert clair. Tout à fait. Et puis celui-ci, ce Typhonodorum qui nous vient de Madagascar, avec ses feuilles qui ressemblent un petit peu à des feuilles de bananier. Voyez, lorsqu'il est vraiment dans la nature, c'est une plante énorme, immense. Et puis derrière nous, regardez la taille de ces énormes feuilles de ce Cirtosperma johnsoni. Les feuilles font quoi, 1,50 m? Oh là, oui, facilement, oui, oui. Et avec des pétioles épineux, une plante en provenance des îles Salomon. Et puis, plus près de nous, si on regarde bien, ici, en surface, là, au bord de l'eau, regardez ces choux d'eau, cette petite plante. Et puis, je vais vous montrer, vous voyez, elles sont justement en fleurs en ce moment. C'est quand même très, très, très, très, très voyez, distrait. Mais vous, maintenant, vous connaissez les caractéristiques de cette famille des aracées, avec ces deux parties distinctes, la spathe et le spadix. Et on le retrouve, vous avez vu, sur ces petites fleurs, on les a bien vues. Hein. Ce que je trouve extraordinaire avec vous, Geneviève Ferry, c'est que la plupart de nos compatriotes se promènent dans la nature et puis on est dans la forêt, on marche, et, alors qu'en réalité évidemment on est entouré d'êtres vivants spécifiques, c'est le cas de le dire, hein, et, oui. Et que tout ça appartient au monde merveilleux de la vie sur Terre, quoi. Oui, tout à fait. Mmh. Oui, oui. Julien Ferry, un jardin botanique avec toutes ces plantes, pardonnez-moi si je suis un peu brutal, mais au fond ça sert à quoi? Ah, c'est une très bonne question. Eh bien, à beaucoup de choses. Je dirais au niveau scientifique, pour la recherche, hein, on a besoin de connaître, de répertorier les plantes, hein, savoir d'où on vient, où on va, hein, et les végétaux en font partie. Et puis, c'est aussi pour la ménagère qui veut savoir d'où viennent ses légumes, d'où vient le caféier, le café, le chocolat. Eh bien, si vous regardez dans la serre à côté, nous avons toutes ces plantes-là. Donc, c'est vraiment utile à ce niveau-là. Au niveau de l'éducation pour les enfants, hein, donc un jardin botanique a vraiment beaucoup de ressources. Et puis, un jardin botanique, c'est fait aussi pour prendre le temps de flâner, de se reposer, d'admirer, de regarder. Et puis, vous participez aussi, d'une manière générale, à la connaissance avec d'autres jardins botaniques et d'autres institutions dédiées à la botanique dans le monde, précisément à cette connaissance du monde végétal sur la planète. Vous-même, Geneviève Ferry, vous participez assez régulièrement à des missions à l'étranger, chercher, alors vous, c'est les aracées, oui. Aller à la quête des aracées. Racontez-nous oui, oui. Comment se passe une telle mission. Oui, oui, alors j'ai eu la chance de participer à 8 expéditions botaniques, que ce soit en Équateur, en Colombie, au Pérou, au Suriname, en Guyane, avec ce grand chercheur des États-Unis, du Missouri Botanical Garden. C'est là où il y a d'ailleurs la plus grosse collection d'aracées au monde. Hein. C'est donc le docteur Tom Croat qui a eu l'occasion de venir plusieurs fois ici à Nancy. Et donc j'ai participé à ces collectes sur le terrain. Donc depuis une quinzaine d'années, nous travaillons en collaboration. Certaines plantes fleurissent mieux ici à Nancy, même qu'au Missouri. On fait des échanges comme cela. Il va très certainement venir l'année prochaine ici à Nancy pour voir justement où en sont nos végétaux. Voilà, ça c'est le rôle aussi d'un jardin botanique, d'avoir cette mission scientifique. Justement, Geneviève Ferry, en Équateur, vous avez vécu, alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres histoires, mais en particulier une qui vous a beaucoup marqué. Oui, tout à fait. C'est la redécouverte du genre Croatiella, ce genre qui est dédié donc à Tom Croat. Imaginez ces 110 genres, les philodendrons, les anthuriums, les Diefenbachia, les Monstera, et puis ce petit genre Croatiella, une seule espèce qui a été redécouverte. Imaginez, nous sommes en Équateur, Tom Croat veut revoir cette plante-là qui lui a été dédiée quelques années plus tôt. Nous la cherchons. Elle lui était l'idée, ça veut dire que l'espèce porte son nom. Tout à fait. Et c'est le genre. Là, c'est même pas l'espèce, c'est le genre. C'est le genre. C'est un degré supérieur, vous voyez. Imaginez, la nuit tombe, nous n'avons rien trouvé. Le lendemain, nous changeons de secteur. Le docteur Croat est ronchon parce qu'il n'a pas trouvé sa plante. Et tout d'un coup, je vois quelque chose au bord de la route. Je me dis, de deux choses l'une, soit c'est la plante que nous recherchons, soit c'est pas ça. Soit je me prends en vent. Et soit je me prends, c'est vous qui le dites. Je me suis dit, allez, stop, stop, nous nous arrêtons, je vais dans le talus chercher ce morceau de plante, je lui rapporte, et là je vois ce grand professeur qui me dit, tu as trouvé ma plante. Et je vois à ce moment-là, dans ses yeux, beaucoup d'émotions. Alors vous allez me dire, tout ça, oui, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Eh bien, imaginez que toutes les aracées avaient été répertoriées au niveau des chromosomes, chaque genre avait été répertorié. Il manquait juste le genre croatier là, qui lui n'avait pas été vu puisqu'il n'y avait pas de matériel. Et donc c'est ce matériel-là qui a pu servir. Voilà à quoi ça sert les expéditions botaniques. Voilà à quoi ça sert d'aller ça sur sert le terrain. Lorsqu'on a une Geneviève Péry avec soi, qui a le bon sens de dire stop, stop, je crois que c'est la plante, et d'aller la chercher. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Regardez derrière vous un énorme philodendron. Ça, c'est un philodendron qui provient de Guyane. Philodendron Bilietiae, qui est dédié à une scientifique du jardin botanique de Bruxelles. C'est Frida Billiet qui l'a découvert il y a quelques années. Et c'est une plante qui est intéressante parce que c'est une plante pionnière. Imaginez-vous, donc, dans ces grandes forêts luxuriante, lorsque des arbres tombent, lorsqu'il y a des clairières, c'est un des premiers philodendrons qui vient coloniser l'endroit. Le voici ici, donc ici à Nancy. Geneviève Péry, ici à Nancy, au jardin botanique Jean-Marie Pelt, vous avez entre 700 et 800 espèces d'aracées. Est-ce qu'il y en a dans le monde que vous... 700, alors, 800 accessions, hein, oui. C'est, si vous voulez, c'est chaque fois qu'une plante est apportée à Nancy. Le premier travail, d'ailleurs, consiste à lui donner un numéro, hein, l'enregistrer, hein, dans un cahier d'enregistrement. On lui attribue un numéro. Voilà, donc merci, voilà, nous avons 700, entre 750 et 800 numéros d'accession. Numéro d'accession, à c'est l'heure le actuelle, terme technique. Oui. Est-ce qu'il y en a parmi les 3500 à peu près qu'on espèces imagine dans, le dans monde, la nature, oui. Est-ce qu'il y en a une ou deux que vous aimeriez, ou plus peut-être d'ailleurs, avoir ici à Nancy? Oui, j'aimerais bien avoir par exemple le genre Bognera, qui est dédié à Joseph Bogner du Jardin botanique de Munich, qui nous a énormément aidé aussi dans la compréhension de cette famille. Il est venu aussi plusieurs fois à Nancy. Il faut savoir aussi une chose, c'est que nous avons accueilli en 2009 le 10e congrès international des aracées, ici, à Nancy, dans nos serres. Imaginez tous ces grands spécialistes venus du monde entier, cette Chinoise qui fait la flore de Chine des aracées, qui était là, ce grand homme croate donc des États-Unis, Joseph Bogner, tous ces grands spécialistes étaient ici dans nos serres en 2009. En même temps, Geneviève Péry, vous êtes d'accord que l'intérêt de tout ça, c'est quand même de préserver les aracées et les autres espèces végétales, mais aussi animales, finalement dans leur milieu naturel. Tout ça. Exactement, et oui. L'enjeu, il est là. Oui, mais tout à fait, oui, oui, oui. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on vient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM, mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien, comme disait un lézard vert qui était pas daltonien. Si on casse les vitres quand on joue au football, qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école, c'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y'a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on vient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Je joue aux abeilles, le vol du bourdon, si la reine s'émerveille, mon goûter sera bon. Les mulots gambillent, le hibou vend des poux, une jolie chenille est venue tremper une soupe aux choux. Et un pauvre mille pattes se voit déjà ruiné par 500 paires de savates qu'ont besoin de ressemeler. Donnez-nous, donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. D'où on vient, des petites fleurs à la main. Quand on a déchiré sa chemise. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Geneviève Ferry, vous avez toujours rêvé d'être jardinière. Oui, tout à fait, parce que ma grand-mère aimait les plantes et surtout ma mère. Ma mère avait toujours des plantes qu'on ne voyait pas dans les autres jardins. Et j'ai voulu faire de l'horticulture. Et je me souviens très bien, lorsque j'étais en troisième, au moment de l'orientation, où l'orienteur nous donnait ses petites fiches par secteur d'activité, lorsque j'ai levé le doigt, lorsqu'il a parlé de sa fiche agricole, j'ai levé le doigt, je me souviens, toute la classe a ri, a bien rigolé, et j'ai dit oui, je veux être jardinière. Le professeur principal à l'époque m'a dit « Ah, toi, tu veux aller planter des choux ?» J'ai dit oui, je veux être jardinière. Et j'ai toujours voulu être jardinière et j'ai toujours suivi ma route. Et puis, j'avais vu à l'époque un jardin alpin au Chitelet. Ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était cette symbolique. Des jeunes Allemands et des jeunes Français venaient travailler dans ce jardin pour reconstruire ce que leurs grands-parents avaient détruit. Ça m'avait énormément marqué. Et je me suis dit, ben moi aussi, pourquoi pas, j'avais 17 ans, pourquoi pas aller aussi dans ce jardin faire un stage. Et voilà, en fait, j'y suis restée parce que ce que je ne savais pas, c'est que là, j'ai rencontré mon futur mari. Ça, c'était pas prévu. Moi, je voulais faire de l'horticulture, mais je ne pensais pas trouver un mari. Et puis, eh bien, voilà, c'est comme cela que j'ai aussi été embauchée ici à Nancy, parce que donc, dans ces années 77-78, il y avait la construction de ce nouveau jardin, de ces nouvelles serres, et il fallait du personnel. Et donc, je suis arrivée donc, dans les serres. Je me souviens encore de notre directeur, le professeur Mangenot, qui m'a dit « Mademoiselle, si vous voulez vraiment, si vous aimez ce métier, oui, vous avez votre place ici. » Et ça fait 40 ans que ça dure. Et ça fait 40 ans que ça dure, voilà. Et l'une de vos deux filles vous a suivi, là aussi, vous avez transmis cette passion des plantes. Oui, tout à fait. Ma fille Lucie est maintenant responsable des serres horticoles de Chèvreloup, près de Versailles. Est-ce que vous savez pourquoi et comment, et d'où vient la passion des plantes de votre maman, Geneviève Ferry? Parce que c'est peut-être, pas dire génétique, mais... Non, mais savoir, il faut, je pense qu'il faut montrer aux enfants les plantes, les graines. Il faut savoir s'émerveiller. Et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment avec mes petites filles, de leur montrer les choses. Une passion et une connaissance, Geneviève Ferry, qui a été reconnue. Oui, tout à fait. J'ai eu la joie de recevoir un prix, le prix Bette Waterbury. En 2012, à Miami, lors des journées de l'International Arowid Society, qui se réunit tous les ans et qui réunit tous les spécialistes et amateurs d'Aracée. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Geneviève Ferry, jardinière botaniste, responsable de la serre des Aracées ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Oh, les deux. Je vais commencer par le coup de gueule en voyant tout de même ces grandes forêts qui disparaissent en Amérique du Sud, hein, puisque c'est plutôt là que je suis allée plusieurs fois, de voir ces forêts qui disparaissent. À une telle rapidité. Pour exemple, je me souviens être allé donc en Équateur. Tom Croat, à ce moment-là, voulait retourner dans un endroit qu'il connaissait ou qu'il avait été il y a 20, peut-être une quarantaine d'années plus tôt. Il voulait collecter à cet endroit et là, impossible de retrouver la forêt. il n'y en avait plus. Il y avait uniquement des grands champs de palmiers à huile. La forêt avait complètement disparu. Et là, à ce moment-là, j'ai vu quand même dans son regard aussi, c'est beaucoup d'émotion de voir que la forêt fout le camp à une vitesse et que là, ce qui est perdu est perdu. Les Justement. Plantes n'ont même pas été décrites. Mmh. Elles ne le seront jamais puisque la forêt est détruite. Mmh. Mais justement, on sait aussi qu'en France, Geneviève Ferry, la nature disparaît sous le béton. L'équivalent de la surface d'un département français disparaît en France sous le béton tous les 6 ans et demi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on s'accommode de cela parce qu'on se dit, bon, c'est une forêt, on la détruit, mais on pourra toujours replanter à un moment donné. Il y a une espèce de croyance dans une forme de réversibilité qui fait que j'ai l'impression, moi, qu'on est plus sensible à la, par exemple, à l'idée de maintenir un patrimoine architectural. Il viendrait à l'idée de personne de dire demain on démolit Notre-Dame de Paris. Oui. En revanche, Notre-Dame-des-Landes, on peut. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est dramatique. Oui, tout à fait. Est-ce que vous, dans votre métier, vous avez pu identifier ce qui fait que les gens sont plus ou moins sensibles à la présence végétale, oui. Par exemple? Oh oui, de plus en plus. De plus en plus. On le voit même en horticulture. Il y a 40 ans, il n'y avait pas très peu de filles. Maintenant, il y a beaucoup de filles. Ce sont des métiers ouverts à tout le monde. Tout ce qui est environnement, nature, jardinage, ça n'a jamais aussi bien marché. Donc, et pourtant, on n'a jamais autant détruit. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Est-ce qu'un jardin botanique, comme le jardin botanique Jean-Marie Pelt, Geneviève Ferry, peut servir de sas ou de lieu d'initiation à notamment des jeunes qui sont aujourd'hui très éloignés de la nature, qui sont essentiellement urbains? Est-ce que vous pouvez être, vous, des passeurs de nature? Bah, tout à fait. Tout à fait, ça c'est le rôle du jardin botanique. Et on le voit ici au jardin botanique avec le nombre de visiteurs qui augmente. Les gens viennent et reviennent et en redemandent. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Néanmoins, ça reste une nature parfaitement maîtrisée et, on l'a vu dans les serres, mise en scène d'une certaine manière. Oui. Est-ce que les gens qui viennent au jardin botanique, ceux avec lesquels vous pouvez échanger, vont ensuite dans la nature et la redécouvrent? Oui, je pense que beaucoup ne s'imaginaient pas ce qu'est un jardin botanique et après la visite des serres ou du parc, cherchent, étudient, consultent les internet. Essaye d'en savoir plus, de plus en plus. On le voit, que ce soit des étudiants ou des retraités ou des personnes qui viennent là le dimanche, on sent tout de même que les gens essayent, bon, ne peuvent pas faire peut-être grand-chose, mais essayent au moins de prendre conscience et de prendre conscience, oui, de cette nature qui fout le camp. Est-ce que, d'après vous, Geneviève Ferry, il faut d'abord connaître la nature pour l'aimer, ou est-ce qu'on l'aime d'abord et on a envie de la connaître après? Ben, je crois qu'on l'aime d'abord, et je dirais que c'est comme le petit enfant qui découvre une fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit, une graine qui s'échappe comme ça et qui pousse. Et là, c'est l'émerveillement. Je crois qu'il faut surtout garder un regard émerveillé, que l'on soit enfant ou même plus grand. Savoir s'émerveiller, oui. Là, vous êtes en train de nous faire un coup de cœur sans le savoir. Peut-être. Peut-être. Et après 40 ans d'activité en qualité de jardinière botaniste, ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, Geneviève Ferry, votre passion à vous, elle est intacte. On le sent. J'essaye, oui, de la garder. J'avoue que quelquefois, tous les jours, ce n'est pas toujours facile. Mais malgré tout, chaque matin, il y a ce bonheur de revenir dans les serres, se dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a fleuri? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette plante-là a germé? Il y a toujours ce côté, cette nature qui est là, qui nous pousse, qui nous donne envie de venir. envie. Malgré tout, quelquefois, ce n'est pas toujours facile, mais malgré tout, oui, cet amour, on l'a. Et il ne disparaît pas, il ne part pas, ce n'est pas possible. Et donc, quand vous avez levé la main, quand vous étiez à l'école et qu'on vous demandait l'orientation, vous saviez déjà que c'était vraiment votre voie ? Oui. Je l'ai toujours su, parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient très proches de la nature, par le jardinage, par ma mère, ma grand-mère, par mon père, de son travail de menuisier, qui travaillait le bois, qui aimait beaucoup la forêt, qui aime beaucoup la forêt. Il va avoir 90 ans la semaine prochaine. Il parcourt encore à son rythme, il va encore dans la forêt, il nous apprenait les choses de la vie, de la forêt, les champignons, les arbres. Et donc ça, je crois que ça reste toute sa vie. Et je les remercie encore profondément. Merci Geneviève Ferry. Merci. Voilà pour ce reportage sur les aracées du jardin botanique. Jean-Marie Pelt a vidé les Nancy avec Geneviève Ferry, jardinière botaniste, responsable notamment de la collection. Ce que Geneviève Ferry ne nous a pas dit durant ce reportage, mais nous avons nos sources, c'est qu'une espèce d'aracée originaire de Colombie porte son nom. C'est le professeur Tom Croat, spécialiste mondial des aracées, qui, en 2013, lui a dédié Philodendron Geneviève Anum. Cela méritait d'être dit. Pour en savoir plus, découvrir les aracées et toute la diversité végétale, assister aux nombreuses conférences et autres activités, rendez-vous sur jardinbotaniquedenancy.eu. Vous avez pu écouter dans l'ordre le duo des fleurs sous le dôme épais, tiré de l'acte 1 de l'opéra L'Acmé de Léo Delibes, créé à l'Opéra Comique de Paris en 1883, interprété ici par la soprano Anna Netrebko et la mezzo-soprano Elina Garanka, accompagnée par le SWR Sinfonie Orchestra Baden-Baden und Freiburg, dirigé par Marco Armiliato au Baden-Baden Opéra Gala 2007. Bloom par le Jodler Club Suisse de Wiesenberg. Apporte-moi des fleurs tant que je peux en profiter, je n'en aurai plus besoin lorsque je serai mort, paru sur l'album Land op de Wolke, sorti en 2017. Et enfin, Donnez-nous des jardins par l'Auvergnate et présentatrice de télé Danielle Gilbert, sorti en 45 tours en 1974. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.